Clément. Bonjour Tenaille. Salut Jack. Pourquoi j'ai l'impression de te voir tous les jours cette semaine? Bah, c'est pas qu'une impression, c'est parce que tu me vois tous les jours. Et tu vois, avec d'autres personnes, ça pourrait me foutre le bourdon, mais pas avec toi. Eh ben, ça me fait vachement plaisir que tu me dises ça. T'as compris le clin d'œil? Oui, le bourdon. Oui. Alors, comment vous dire? Tenaille paraît fatigué, c'est parce qu'il l'est un petit peu. Oui. Ouais. Il y a eu déjà une semaine fatigante, on va pas se mentir. Pas tant. Ah bon? C'est pas tant le travail, moi, qui m'a fatigué. Non, il y a deux choix, ouais. Choix possibles. Soit c'est le groupe d'aujourd'hui. Ouais. Soit c'est les triples carmélites d'hier soir. Ouais, un petit peu aussi. Mais je peux vous assurer une chose, c'est qu'il est totalement sobre aujourd'hui. Là, ah, il est. Totalement. Puis je déjeune pas à la tripe non plus, faut pas déconner. Pour l'instant. C'est vrai. On ne se réveille pas avec le manque le matin. Non, c'est vrai. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour une petite capsule qu'on aurait dû enregistrer hier, mais ça s'est pas fait pour des raisons diverses et variées. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, je me suis dit, je peux même pas publier le truc d'hier là, sinon ça spoil un truc. Oui, bah. Donc oui. Je vais, voilà. Oui, je sais pas comment je vais faire. Ouais, ou alors faudrait que je bippe le truc. Mais ça veut dire faut que je réécoute le truc et que je... c'est un peu ouais. Chiant. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, tu sais, en réécoutant un peu, je me suis dit, est-ce que c'est intéressant de le faire? Ouais, c'est vrai. Toi, tu l'as réécouté un petit peu. Bah, j'ai fait que ça hier. T'as fait que ça, en boucle? Non, pas que ça. Non, mais pas. On est en train de se. Ouais. J'ai écouté le fameux groupe. Ah. Pas. J'avais pas capté. Oh putain, ça va être bien cette capsule. Écoute, je te propose de commencer par un petit générique. Oula. Oula. Oh là là. Oh là là là là. Alors, pour vous donner un ordre... Alors, déjà, merci Tenaille. Mais de rien. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 9h28. Et on est vendredi. Et c'est la quatrième fois qu'on se voit cette semaine. Ouais. Donc on va parler d'un groupe bien particulier, au style particulier, et un style pas très ouvert. Bah, pas mainstream pour le coup, un peu moins... très très très niche. Oui, et en même temps... Il est extrêmement populaire, ce groupe-là. Dans ce genre de musique, peut-être. Même, en fait, il a réussi à dépasser ça pour certaines caractéristiques. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais te citer un truc que j'ai lu dans une interview. Quand tu vas voir de quelle interview c'était, tu vas faire « Ah oui, quand même !» Ah oui, quand même. Ah, tu vois ? Eh bah tiens. Et est-ce que tu peux nous dire de quel groupe on va parler ? Ouais. Bah, je t'en prie. Ah, ben, je vais te le dire. Eh ben, vas-y. Eh ben, c'est Sunow. Pardon ? Non, me dis pas que je me suis retrompé encore une fois. Non, mais t'as dit quoi comme mot? Alors, je sais plus comment on dit. Sunwall. Non. Sunwall. Non. Sunou. Non. Sunou. Alors, j'essaie de te dire. Le nom du groupe, ouais. C'est le nom plus quelque chose qui est censé faire penser à un amplificateur. Ah oui, j'avais vu un truc comme ça. Donc, ah oui, Sunwall. Non, pas du tout. Merde. Le nom du groupe, c'est Sun. Ah, on dit pas le... Non, parce que c'est pas un O. Ah, c'est un truc qu'il y avait sur la marque ou je sais pas. Exactement, quoi. On va parler tout de suite. Okay. On va effectivement parler de Sun. Ah bah. Oh, merde. Et oui, on va vous parler de Sun. Donc effectivement, en fait, comme tu l'as si bien suggéré, Tenaille, en fait, le nom vient d'effectivement d'une marque d'ampli, Sun. Et en fait, dans le logo, à côté, t'as un petit O et des petites parenthèses pour faire penser à l'ampli. Et en fait, comme le groupe était fan de ça, enfin, plutôt pas le groupe, mais les deux membres du groupe, à savoir Stéphane O'Malley et Greg Anderson, ils étaient fans de cette marque qui est vraiment un son très représentatif. Et ben, ils ont voulu s'en inspirer. C'est pour ça qu'ils ont pris ce nom Sun avec le dessin du logo. Alors, c'est bien sûr, c'est pas tout à fait un vol de logo ou quoi que ce soit, mais c'est la quasi similaire représentation. Okay. Et je l'ai vu effectivement, comme je te disais, dans une interview de Télérama. Ah oui, je m'y attendais pas. Ah, je t'avais dit, de Télérama, où justement on leur demande comment ça se prononce. Il dit, bah, la majorité des gens disent Sun O, mais en fait c'est Sun. Et pour appuyer en fait ce propos, sache que ça, ils ont choisi ce nom en rapport justement au groupe Hearth, que toi t'as écouté, qui est un autre groupe représentatif de ce style qu'on n'a pas encore évoqué, argumentant que Sun tourne autour de Hearth, le soleil tourne autour de la Terre. Voilà. Et pour te dire, ils étaient tellement fans du groupe qu'avant d'arriver, parce qu'ils sont américains, ça je l'ai pas dit, mais avant d'arriver à Los Angeles, le duo se nommait Mars, un autre hommage à Earth. Ok. Voilà. Mais donc pour revenir plus précisément à Sun, donc c'est un groupe de drones. Oui. Un groupe de drones qui vient, il vient du Royaume-Uni. Alors pourquoi j'ai dit américain moi? En fait, comme ils sont, ils sont aux États-Unis. Non, ils sont américains en plus. Sont pas du tout. Pourquoi c'est. Alors, ça doit être. J'ai repris le truc du Hellfest. Je crois quoi. Non, ils sont américains. Ils sont américains. Ils sont bien américains. Ouais. Alors. Bah, je sais, mais c'est pour ça que. Et ils viennent. Les stagiaires qui font l'application, quoi. Non, c'est rien. C'est pas la première fois qu'on note des erreurs. C'est pas la première fois. Donc, ils viennent des États-Unis, et plus précisément de Seattle, un peu de là où est née toute cette mouvance avec du drone. Je sais que toi, ça t'a beaucoup marqué justement ce style de drone. Est-ce que tu voudrais en parler un petit peu? Alors oui. Par contre, je sais pas par où commencer. C'est compliqué parce que dis donc. Alors déjà, le drone, je connaissais pas du tout le style. Non. Est-ce que tu peux dire que tu connais maintenant? Maintenant, ouais. maintenant, je connais. Mais c'est. Alors déjà, j'ai remarqué en approfondissant mon écoute. Qu'il y avait des paroles. Non, alors ouais, mais là tu pars déjà trop loin. Tu pars on va essayer de résumer. Le principe du drone, c'est que c'est un son. Waouh, c'est minimaliste au maximum. Voilà, très peu de notes. Waouh. Très très lourd, le son doit être très très lourd, très lent et un son très fort. Très fort. Et que les paroles, c'est pas nécessaire. Les paroles, ça peut être un plus. C'est une variation, les paroles. Surtout qu'il y a des morceaux que, alors, je vais pas dire que j'ai réécouté, parce qu'en fait, t'as juste à faire suivant. Ah, waouh, waouh. Ah non, là, t'es en train de, non. Non, mais c'est vrai. Oui, mais là, tu vas donner la partie à vie. Non, tu vas trop. Oui, non, c'est parce que là, il faut essayer de rester. Donc, le drone qui veut dire bourdon. Ah oui. Qui est censé faire penser à ça justement, une espèce de mur de son qui est comme un bourdonnement et qui va en fait même à la limite par exemple pour Sun, eux ils jouent à 125 décibels qui correspond, pour vous donner un ordre d'idée, 120 c'est le marteau piqueur, 130 c'est un avion au décollage. Et donc c'est ce qu'on appelle le limite douloureux. C'est assez douloureux d'écouter ça. Et en fait eux ils jouent ça très fort en multipliant les amplis guitare et basse, en fusionnant le son pour que ça fasse vraiment un bourdonnement et un truc quasi inaudible avec très peu de variations, très très long, très très lent, comme tu l'as dit. Donc faut vraiment imaginer un truc pour beaucoup c'est chiant, voilà, pour beaucoup ça serait résumé à chiant. Mais revenons un petit peu vite fait. Donc à la base, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Stephen O'Malley et Greg Anderson qui se sont rencontrés au début des années 90. Alors les dates, c'est pas tout à fait tout à fait clair. Bien sûr. Qui sont retrouvés ensemble, ils ont fait plein de petits groupes, ils sont retrouvés dans un groupe de death, Thor Hammer, avant de partir sur un truc Burning Witch, et enfin après ils ont commencé à fonder Sun, aux alentours de 98. Tiens, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. C'est Teeth of Lion Rolls de Levin. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Et ben, un album. Oui, trois titres, 56 minutes. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, parce que ça, parce qu'ils sont dedans aussi les deux. Ah, c'est des membres de ce groupe-là. Greg et Stéphane sont dedans. Et lui, c'est, apparemment, c'est un groupe anglais. Okay. C'est ce qu'on appelle. Et en fait, ils ont fait partie pas mal de plein de groupes comme ça. Mm-hmm. Et donc, ils ont formé Sun en 98, tout en même temps qu'ils ont lancé leur label Southern Road. D'accord. Aussi en 98, les deux, je gère le truc. Okay. Et au final, donc, ils ont signé beaucoup de groupes de ce style-là, de drones. De Doom et tout ça. Mmh. Et parmi, il y a même Pentagram qui est passé un peu chez eux. Mmh. Et il y a surtout Earth qui est aussi dedans. Donc, tu vois, le groupe dont ils ont été fans, ils l'ont ramené dans leur écurie. Maintenant, ils sont chez eux. Et il faut savoir que c'est, parce que ça, je le dis, mais entre les deux, entre Stephen et Greg, c'est vraiment un putain d'artiste, le gars. C'est un artiste de malade mental. C'est-à-dire qu'il a, par exemple, c'est lui qui fait quasiment toutes les pochettes des albums qui sortent de son label. Ok. Et en plus, il fait énormément... Ah oui, pas que pour son groupe, en plus. Non, non, non, non. Ouais. Et il fait énormément de trucs sur l'art. Tu vois, c'est par exemple, il collabore fréquemment dans des projets d'exposition, de galerie, de studio. Il a travaillé avec le chorégraphe et metteur en scène français, Gisèle Vienne, les auteurs Denise Cooper et Alan Moore, les compositeurs contemporains, Yann Cucu, Dimitrescu. En fait, vous allez sur le wiki, il a une énorme liste de gens avec qui il a collaboré. Voilà, tout ça, c'est des gens avec qui il a collaboré, tous ces trucs-là. Ah la vache. Et en fait, il fait plein de trucs différents. Il peut participer à des pièces de théâtre, il peut participer à des trucs. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vraiment un artiste complet, quoi. Ouais. Et il a joué dans plus de 1000 événements, apparemment, en live, de plein de trucs différents, de plein de trucs, et pas que Sun, en fait. Donc, c'est vraiment. En fait, Sun, c'est un élément de tout son art qu'il a avec Greg, mais parce que ça fait plus de ce que j'ai pu voir. Ça fait combien de jours? Ils sont. Depuis plus de 30 ans, ils jouent ensemble. Ouais, du coup. Ouais. Ça fait longtemps qu'il existe ce groupe, j'ai halluciné. Bah oui, 98. Et je l'ai pas dit, mais ils vont venir pour la troisième fois Hellfest après 2012-2016. Et eux, en fait, ils considèrent que Sun, c'est de la musique abstraite. Tu vas me dire, c'est pas très. Mais c'est surtout une expérience méditative. Tu peux en ressortir changé. Mais par contre, faut y aller. Ils estiment qu'il faut y aller concentré. Faut que t'ailles là-bas en étant ultra concentré parce que ce qu'on va te donner, ça va être très pas facile d'accès. Pas facile d'accès. Attention, tu pourrais. En fait, moi, je pense même que tu peux te blesser, moi. Une fois que tu arrives dans cet état second après cette fameuse méditation. Ouais. Et il y a un autre truc qui est assez amusant, c'est que le groupe, donc ils sont deux, c'est un duo, mais c'est pas vraiment aussi simple que ça parce que t'as des albums ou des moments où en fait quand ils font venir des invités, ils les considèrent presque comme des membres du groupe. Bah surtout que parce que pas tu vois pas trop comment dire. Par exemple, je te parlais d'un album tout à l'heure où ils étaient avec un autre artiste. Oui. Ça c'est un split. C'est les splits. Ouais, mais je veux dire, c'est fusionné. Oui. Ils sont ensemble. C'est pas. Un titre de Sun, un titre de. Mais en général, le principe d'un split, normalement, c'est ça. C'est un titre du groupe, un titre de l'autre et un titre où ils sont ensemble. Là, ils sont tous les trois ensemble. En fait, trois titres. Ouais, mais parce que c'est en fait le. Oh, okay, je sais plus. En tout cas, normalement, c'est le principe du split de venir te mélanger. Mais par exemple, il y a le chanteur Attila de Mayhem. Qui est considéré comme faisant partie un peu de Sun aussi. D'accord. Lui, quand il en parle, alors qu'il vient que chanter sur très peu de morceaux. Et en fait, il est considéré quand même comme faisant partie du groupe. Je veux dire, Attila, t'as mis un doigt dans le groupe, tu en fais un peu partie. Voilà, de cette façon-là, en tout cas. Donc, pas dans les splits et tout, mais quand tu viens, il y a pas mal d'autres artistes qui ont collaboré avec eux. Ce qui fait que ça fait une espèce de... Leur œuvre musicale, elle est à la fois dense, particulière, et tu sais pas non plus forcément à quoi t'attendre. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand je t'ai dit, est-ce que t'as écouté le Black One, en fait, c'est censé être une version black metal. Ça reprend tous les codes du black metal, selon eux. D'accord. Donc c'est... Alors, c'est vrai que tu peux t'en rendre compte, c'est justement là où il y a Attila qui chante et tout ça. Tu peux retrouver des trucs, mais quand t'es pas habitué, on te met ça, tu vas dire « Non !» Je veux dire, tu peux être flippant un peu. Tu peux être surpris. En plus, eux, ils sont considérés, en général, leurs albums sont rangés dans la partie black metal, apparemment, selon ce que j'ai pu voir. Mais eux, ils se considèrent pas du tout dans ce style-là. Ils se considèrent comme étant ils considèrent à la fois comme étant plus large et à la fois comme étant vraiment, en fait, ils considèrent être plus large dans leur style qui est tellement de niche, en fait. Qu'ils ont réussi quand même dans le drone, c'est tellement particulier, c'est vraiment un truc spécial de drone. Moi, c'est ce que j'avais dit à Tona, et je lui ai dit, fais gaffe, t'es pas prêt. Tu vois, ça va être très bizarre. D'ailleurs, t'aurais pu être un petit peu plus précis. Oui, mais je voulais pas spoil. Non, mais t'aurais pu me préserver. Je suis désolé pour ça. Mais faut savoir aussi que c'est le groupe le plus reconnu. C'est le leader de ce style. Sun, c'est eux les numéro un, en fait. Et pourquoi? Parce que, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont été interviewés par Télérama, et en fait, ils sont vraiment, ils vont venir chercher beaucoup de gens qui n'écoutent pas du tout de métal ou ce genre de musique, comme si ça venait parler à d'autres gens, comme si c'était une expérience presque. Tu vois, c'est Sun, tu viens voir Sun plus que tu viens voir un groupe, quoi. Et je pense que c'est aussi par rapport à tout ce qu'a fait Stéphane en tant qu'artiste, d'ailleurs qui aujourd'hui vit à Paris. Ah oui. Ah, il vit à Paris, le petit Stéphane. Oui, donc comme je te disais, il y a plusieurs membres. En fait, c'est difficile de savoir. Par exemple, là, aujourd'hui, tu ne peux pas savoir qui y aura avec Sun ou Hellfest. Peut-être qu'il y aura Tila qui viendra chanter, peut-être pas. Mmh. Il peut y avoir plein de trucs parce que eux, en plus, sur scène, ils ont comme... Alors, la particularité de la scène, c'est que c'est très codifié. C'est des murs d'ampli, tu vois, en demi-cercle, comme tu as vu tout à l'heure en bas. Un de demi-cercle, ampli guitare, ampli basse. Ouais. Énormément de fumée. Énormément, énormément. Okay. Eux, ils sont habillés avec des capuches. Ouais. Ils on le voit, on les voit pas. Mmh. Et s'il y a Tila Kila, lui, il met un déguisement parce qu'il vient jamais habillé comme eux. Il a jamais accepté de mettre des capuches. Il vient toujours avec une autre gueule. Il vient toujours, il peut être habillé en poubelle, il peut être habillé avec des trucs qui n'ont rien à voir. Ouais, ouais. C'est un truc de malade, il en a rien à foutre. Mais ça fait partie du truc. Ouais, bah ouais. Et donc, ce qui est, est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire de base sur le groupe parce C'est que... sûr que non. Bah, non, ça, oui. Parce que ça... Ah si, je veux dire, il y a un autre projet parallèle de Sono, enfin de Sun, pardon, qui n'aura donné qu'un seul concert, Pan Temple, où l'on retrouve les deux compères et d'autres musiciens. Ok. Donc ça... voilà. Et pour définir un peu l'œuvre de Stéphane O'Malley, elle définit un éventail d'intérêts multidisciplinaires impliquant la musique vectorielle par des approches expérimentales, la physicalité à travers la dynamique et l'amplification et les explorations des seuils via la matérialité et la plasticité du son. Waouh. Eh ben. Alors laisse-moi le temps de décrypter ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, le problème quand t'écoutes Sun, c'est que tu peux facilement décrocher et rester totalement en dehors. Et ah oui, non, mais ça c'est clair. Et de toute façon, je pense qu'il faut quand même laisser un certain temps avant que ça agisse. Bah, c'est justement, là, regarde, ça fait déjà 16 minutes et on a vraiment à peine effrôlé le début. Bah oui. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est à toi de parler, de nous dire, alors cette expérience Sono, qu'est-ce que c'était? Sun, pardon, Sun. Sun, oui, j'ai pas l'imprimer. Hein. J'ai pendant des années dit Sono, comme tout le monde. Mais en même temps, on pourrait confondre avec Sun, l'autre groupe. Bah justement, c'était ce que j'allais dire, il y aura deux Sun au Hellfest cette année, Sun. Un peu haut et Sun Brutal Pop. Ouais. C'est clair. Les deux écoles. Hein. Eh ouais, pas du tout la même. Non. Ah non, c'est pas les mêmes expériences. Non. Alors, vas-y. Alors, c'était plutôt crescendo comme expérience dans le sens où, découverte du style. Juste. T'as commencé par le premier album ? Ouais. Ok. Ouais. Bah ouais, j'ai voulu voir un peu comment que ça a évolué, quoi. Alors, j'en ai pas fait tout le tour, t'imagines impossible. Bien. Impossible. Bah, c'est pas que c'est impossible, c'est que je pense que ça serait un peu éprouvant à la longue. Déjà depuis quelques jours, je sens bien qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Non mais je te disais impossible en termes de temps parce que là, en si peu de temps, je parle. En si peu de temps, t'aurais pas pu. Ah non, c'est ça que je voulais dire. Non, là-dessus, c'est clair. Non, mais par contre, alors je comprends pas trop ce que j'ai écouté, mais je pense pas que ça soit le but de toute façon. Je pense que faut tout ouvrir, les fenêtres, les chakras, tout ce que tu veux, faut tout ouvrir. Ouais. Et puis faut voir. Alors tu te dis ok, t'entends des petites nuances, tu te dis waouh, c'est ok machin. Et je te cache pas qu'à un moment donné, je te l'ai dit tout à l'heure, si on m'avait croisé au travail. Il y en a, ils auraient dit, putain, qu'est-ce qu'il a? Ah, mais du coup, ça a quand même agi, tu vois. Ah ouais. Non, mais je te dis, c'est pour ça où je te dis, t'as pas été assez, attention, Antonin, vraiment. Tu dépasses pas une heure d'écoute. Tu prends une pause, hein, tu fais quelque chose. Bah, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, essaye pas de tout écouter. Essaye pas, tu vois. Pas écouter, voilà. Donc, non, alors, du coup, j'ai écouté, pas mal d'albums, j'ai regardé un petit peu les histoires et tout, voir un peu l'origine du drone, j'ai écouté un peu justement d'autres groupes de drones pour voir un peu les différences, tout ça. Alors il y en a, hein, ça c'est sûr, par contre, bah voilà, hein, tu regardes n'importe quel album de drone, c'est 3-4 titres, une heure et demie d'écoute, c'est ça, quoi, et c'est quelque chose, hein, faut être préparé quand même, si tu as l'intention, je sais pas, d'accueillir quelque chose, quoi, vraiment. Ouais, parce que moi, c'est un peu l'impression que ça m'a donné, tu vois. Tu t'as posé une très bonne question quand t'es arrivé, que je suis complètement d'accord, je voulais pas en parler en bas avant, mais tu as dit, mais comment ils font pour se rappeler? Alors, par contre, c'est là, tu te dis, est-ce qu'ils font tout le temps en mode aléatoire et c'est tout le temps un peu un truc vraiment libre, ouvert, et où se laisse vraiment vivre le truc? Mais il y a plein d'albums. J'imagine que s'il faut une tournée tel album, le gros fan de drone qui se rappelle à 9 minutes qu'il y a une espèce de vibration qui lui fait tout bizarre, qui lui fait hérisser le poil. Et il y en a qu'une, il y en a qu'une dans ce morceau-là, c'est pour ça que c'est son préféré. Ouais. S'il a pas ses poils qui se hérissent à ce moment-là, il va être déçu, le mec. Mais c'est, et c'est surtout que c'est tellement particulier que dans l'interview, tu sais, de Télérama, t'arrivais à des questions lunaires, et oui, Life is Metal. Oui, il y a quelque chose de différent sur l'album. Oui, de la couleur. Il y a beaucoup plus de couleurs dans les trucs. J'ai écouté le truc, j'ai fait quoi? Non, mais après, voilà, c'est comme tout, hein. La musique peut être une substance en elle-même. Des fois, ça suffit pas chez certains, je pense. Mais en tout cas, moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, je me suis même demandé à un moment donné, c'est quoi? Ils essayent de trouver quoi? Une fréquence? Tu sais, la bonne fréquence pour chacun. Ils se disent, dans cet album-là, on utilise telle fréquence. Il y a certaines personnes qui répondent de telle manière. Dans cet album-là, on utilise telle fréquence. Et en fait, je me suis posé la question parce que moi, à un moment donné, tu vois, je me suis senti bizarre. Et je me suis dit, merde, j'ai peut-être une fréquence qui est mal passée. Mais attends, bizarre, genre pas bien? Presque pas bien. J'ai eu la même. Oh. Au boulot, quand j'ai écouté, en fait, mais c'est pas pas bien en mode presque. Tu sais les tout débuts des fois des maladies où tu dis je commence à être pas de trac. Tu sais pas trop. Et je suis d'accord. Et en fait, moi, quand j'ai senti ça, j'ai arrêté d'écouter. Ah ouais. J'ai arrêté. En fait, moi. Oh, ça t'a eu peur, c'est ça? Non, mais je vais être honnête avec toi. Ouais. Je pense que je suis. Alors, je vais pas dire réfractaire. Je vais dire que j'ai pas les codes ou les trucs, car je n'arrive pas à écouter Sun. Je n'y arrive pas. Bah oui. Parce que en fait, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je sais pas si ça s'écoute vraiment. Il parle vraiment d'un truc où tu viens, tu dois être concentré, tu dois te prêter, je sais pas, comme une méditation, tu sais, tu cherches rien en vrai, hein. Tu fermes les yeux, à l'intérieur t'ouvres tout et puis boum. Là, je pense que c'est un peu le délire, tu vois. Enfin, pour moi, hein, je le décris comme non, ça. Non mais tu le moi truc... je me dis c'est un peu ça, t'ouvres tout. Et puis bah tu t'attends et puis c'est vrai que bah ça peut faire peur. Bah, c'est moi chose qui change. Ouais, donc du coup il y a pas de variation. Ou quand il y en a, eh ben c'était un quart d'heure après, donc bah je voilà, oui, je l'ai pas. Et il y a vraiment un moment donné où je me suis senti un peu pas très bien. Je me suis dit non, j'arrête et j'ai rage quitte le groupe. J'ai fait non c'est bon et j'y suis revenu après en mode pour essayer de voir, mais j'ai pas ce qu'il faut pour écouter le groupe, soit c'est pas pour moi, parce que en fait peut-être que d'une certaine manière comme moi je vais essayer de réfléchir au truc et que là c'est tellement abstrait que tu ne peux pas, et peut-être que je bug en fait, tu vois, parce que j'ai un peu l'impression d'être comme l'épisode raté de Trollfest. Mais donc non ça a été une expérience alors à ce moment-là fortement désagréable. Après j'étais au boulot. Donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un mélange de trucs qui va pas, je m'arrête. Et j'ai essayé de reprendre en étant au boulot. Genre hier, quand j'ai été faire des courses, j'ai pris en mode, voilà, j'essaye. C'est mieux passé. Mais dans l'absolu, c'est pas pour moi du tout. C'est vraiment... Bah, je te rejoins un peu dans le côté où moi, tu vois, l'abstrait, j'ai du mal dans tous les arts. Hein, genre les tableaux abstraits, machin, tu sais. C'est ouvert à tellement d'interprétations que ça en devient trop compliqué. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais un tableau abstrait, c'est tu le regardes, oui, non, techniquement. Oui, ouais, non, voilà. C'est vrai que tu le subis moins, quoi. Alors qu'une demi-heure d'un truc, ça fait juste... Une demi-heure, ouais, beaucoup plus que ça. Non, mais le morceau, je veux dire, tu prends un morceau d'une demi-heure et tu dis, pour ressortir à la fin en mode... J'ai pas la gerbe, hein. Mais il y a un truc à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est cassé. Ouais, c'est de la bouillie même. Ouais, donc, mais je suis pas resté, tu vois, je suis pas resté indifférent au truc. Je dirais que musicalement, ça m'a laissé indifférent, mais physiologiquement, non. D'ailleurs, si le groupe écoute, je voudrais leur poser une petite question. Est-ce qu'ils ont prévu une espèce de fréquence antidote, justement, parce que quand La contre-fréquence pour réparer. J'aimerais bien, voilà, c'est ça. Il faut me réparer maintenant. Oui, mais tu vois, moi, par exemple, toi, tu disais que ça t'avait un peu défoncé. D'accord. Moi, ça m'a pas du tout fait ça. Je te dis parce que ça m'a mis un peu pas bien, mais en mode, ouais, je me barre. Et donc, du coup, ma question, je t'ai dit tout à l'heure, tiens, j'ai une question, faudrait que je te pose. Tu réagis comment aux hypnotiseurs, toi? Eh ben, alors, bonne question. Je crois que je suis j'en sais rien en fait. Est-ce que j'ai déjà fait hypnotiser? Parce que moi je crois que ça arrivait une fois, mais ça avait pas marché. Ah ouais. Parce que moi j'aurais dit que t'étais un sujet parfait. Ben je crois pas. Il y a pas de truc insultant derrière ça. Hein, non, c'est non. Juste Alors là je vais essayer de me faire hypnotiser. Ouais, faudrait. Tu vois, si tu tombes non, mais direct. J'ai pas le souvenir de. Non. Donc je ne peux point répondre. Oh putain, 23 minutes tonight. Ouais. C'est une catastrophe. Bah non, mais là c'est pas de notre faute. Hein. Donc déjà au final, ouais. Alors moi je vais répondre, je dirais, avant de te poser la question, mais moi j'ai pas aimé du coup Sun. Ouais. J'ai pas aimé. Par contre j'ai aimé découvrir l'univers et mieux comprendre. Ouais. Tu vois, aller de ce côté-là, ça j'ai aimé pour ma culture personnelle. Ouais. Ouais. Mais en termes de groupe, c'est non pour moi. Mais toi, toi qui es pas toujours comme nous. Ouais. Toi qui as des variables un peu, des fois qui sont un peu bons, ouais. Qui créent des décalages. Ouais. Au final, Sun. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben, écoute, je suis un peu comme toi. Je suis content d'avoir découvert tout ce qui va autour. Mmh. En plus, on en a parlé vite fait. Il y avait une petite histoire avec Hertz qui oui. faisait un peu de lien avec Nirvana. Bah, ouais. Si vous voulez aller chercher l'info, vous verrez. C'est si, vous cherchez le, si vous cherchez le responsable. <C'est comme ça. rire> Bon bref, du coup, il y a énormément de choses, c'est vachement intéressant. Ah, c'est riche, hein, c'est riche. Ah ouais, c'est hein. Là, on a approché les 0,5% du groupe. Hein, oh, vraiment. Mais du genre aussi. Et du genre, oui, ouais, encore ouais, plus, oui. Ouais. Et alors, je sais pas si ça m'a plu ou ça m'a déplu. Je pense que c'est plutôt la réaction, incontrôlable de mon corps qui aurait plutôt tendance à dire t'es peut-être pas une bonne idée. Oui, mais est-ce que mais je veux dire franchement j'en sais rien en vrai, tu vois, alors j'ai formulé la question autrement parce que c'est vrai que trop de questions, oui, pas de réponse, pas de piste de réponse, que dalle, juste une mauvaise sensation là, j'espère qu'il va pas trop durer longtemps. Mais est-ce que tu serais client d'aller voir en live? Client, je pense client, oui, en fait. Je m'en doutais. Je pense. Doutais. Je sais pas pourquoi, par contre. Parce que ça t'a touché quelque part. Ouais, voilà, c'est ça. Ça t'a touché quelque part. Alors, voilà. Alors, ça m'a touché quelque part. Donc, quelque part, je réagis un peu. Pas 100% en bien. Mais, est-ce que c'est peut-être pour ça que j'irai, justement? J'en sais rien. En fait, un peu de ça. Tu vois, là, ce qui est intéressant dans l'échange qu'on a, c'est que si en mec lambda, qui aurait écouté tout seul le groupe, je l'aurais pu le rayer de ma liste directement parce que je veux dire j'ai pas aimé. Ouais. Mais le fait d'en discuter avec toi et de se dire putain en live s'il y a un truc à faire, peut-être rester pour un quart de chanson, ça fait déjà 15 minutes. Ouais, mais je pense pas que ça soit vraiment utile dans ces cas-là. Tu crois ? Moi c'est l'inverse, je me dis c'est peut-être l'expérience à avoir en live pour voir le truc. Mais ouais, mais comme je te dis, c'est je pense que l'écoute, juste venir et dire tiens, c'est quoi ? Ça va plutôt être rebutant, je pense, pour une majorité. Non, c'est pour ça, savoir. Non, c'est pour ça que je te alors parle. Alors que si tu viens comme le dit le groupe en mode concentré, tu sais où tu vas, il faut être prêt, machin, rien. Là, tu peux être en mode je suis pas là pour me dire si c'est non, mais je te parle, en fait, je te parle de toi et moi. Ouais. Justement suite à cet échange, si en temps normal j'avais juste écouté le groupe, jamais j'irais. Mais le fait discuter avec toi de cette manière-là peut me donner envie de t'accompagner pour aller les voir. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est dans ce sens-là. Ouais, ouais. C'est avec ce petit bagage qu'on a pris avec nous de savoir que on sait où on va. Ouais, voilà. On sait où on va je arriver. Je pense que c'est important pour ce genre de. En fait, c'est justement pour pas passer juste à côté et dire non mais c'est nul. Oui, non mais. Parce qu'il reste une option à tout ça qu'on n'a pas évoqué. Mmh. Peut-être qu'au final, depuis le début, tout ça, c'est qu'une arnaque. Et que le mec, il s'est dit, je vais faire un truc. Ça serait bien dommage. Non, mais c'est vraiment plus ça se trouve. On va mettre 8 amplis, tu fais 4 guitares, 4 basses, tu mets tout à fond, fais 3 sons. Allez, c'est gagné. Et tu penses qu'il commence à chaque fois par, on va vous jouer le troisième morceau de l'album Nanani. Il parle pas, ils attendent vraiment qu'il y ait énormément de fumée. Ouais. On les voit à peine et puis ça fait. Ouais, délire. Puis ils approchent des amplis pour faire des trucs. Et 15 minutes plus tard. Ouais, voilà. Ouais, ça, ouais. Oh merde! Oh le coup, il m'a réveillé. Ah putain, ouais, j'avais pas vu venir celle-là. Donc, Tenaille, est-ce que t'irais ou pas? Ouais, je pourrais aller y faire un tour. J'ai pas envie de dire oui, ça me fait peur. Non, c'est ça. Et t'as pas envie de dire non non plus. J'ai pas envie de dire non non plus. Ouais, bah non, ça c'est comprend. C'est juste ça. Non, mais donc, je comprends. Là, tu vois, là, dès que tu vas couper. Tu vas pleurer? Je vais pas pleurer, je vais me dépêcher d'aller écouter genre un morceau qui va peut-être me guérir. Je comprends. Je vais attendre qu'on m'appelle vite fait. je comprends. Si tu veux, à la fin, je te rappellerai. Ouais, vas-y, on va voir. Ça se trouve, ça va me guérir instant. Et là, j'ai fait waouh, putain, j'ai trouvé mon antidote. C'est censé être des capsules plus courtes. Non, et on va avoir mis une demi-heure. Ouais, c'est une. Je suis désolé, les gens. Ah, non, sois pas désolé. C'est le groupe qui fait ça, en fait. Ouais, en fait, on pouvait pas parler si peu de ce groupe parce que, en fait, on ne parlera sûrement pas d'autres groupes de drones avant un moment. Oh, bah oui. Donc, et puis on n'en écoutera peut-être pas non plus. Dieu nous en préserve. Oh, donc, oui, c'est ça. Donc, autant qu'on en ait dit ce qu'on avait à dire. Et encore une fois, on vous dit, on a fait que même pas 1% du groupe. Tonaï, écoute, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi aussi. Ah, non, merci en fait d'être revenu toutes les fois où il y a eu des galères et tout, parce que cette semaine, ça a été très compliqué. Ouais, c'est vrai que cette semaine, c'était compliqué. Donc, mais bon, c'était avec plaisir. Ah ben, c'était un plaisir partagé. La preuve, regarde, qu'est-ce que je t'ai dit hier soir? On s'était vu hier matin, je t'ai dit, allez, viens, on va boire un coup. Donc, c'était grave que le plaisir ouais, était là. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Tonaï, et puis, bah, à la prochaine petite capsule. Eh ben, à très bientôt. Salut. Chou. Non. Ah bah, si. Ah si, pardon. Et on fait un test pour voir si ça enregistre. Et on fait un test pour voir si ça record.